2, 3, 4. We'll be right back. J'aime bien sa batterie, merci. Good drum. En fait, j'ai fait une réunion au boulot et les réunions, ça me fatigue plus que d'aller bosser. Rester 4 heures à être attentif, j'ai un peu de mal. Thank you, DLC. For your good drum, you are a good boy. Thank you very much.